بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم مختصر أحكام الصيام qui le résumé des règles du jeûne, mais en réalité c'est bien tout plus lié au Ramadan. Hadith commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب أولا أسألك ما هو تعريف الصوم لغة؟ Définition du jeûne, يعني littéralement parlant. وشرعاً Il y a un dit quand est-ce que le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan a été légiféré. Ah, ouais, la deuxième année de l'égir, mois de Charban. Afant. Il y a un dit à la main, Fourida, Siyem Ramadan. Qui sont ceux pour que le jeûne de Ramadan est obligatoire? Allez, voilà, Hubert, doté de raison, résident et en mesure de jeûner. Par 5. Taïeb, Noasil, continue, à partir du sixième point. Qal, hel, tashtaritu niyatu lissom. Est-ce que l'intention est une condition pour pouvoir jeûner? قال حفظه الله تعالى لا يصح الصوم إلا بالنية سواء كان فردا أو تطوعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc le siyam ne peut être valide si n'est avec une intention qui va avec. Qu'il s'agisse du siyam obligatoire ou de celui qui était surrogatoire. D'accord? Le siyam obligatoire ou surrogatoire. Par preuve de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les actes ne valent que par l'intention. ثم قال وبإشهاد صوم الفرض فعليه أن يبيت النية قبل طلوع من قبل طلوع الفجر لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تتموا الصيام إلى الليل. Et en ce qui concerne le jeûne de Ramadan, la niya, il doit l'avoir depuis la nuit, c'est-à-dire avant que le fajr ne se lève. C'est-à-dire avant que le fajr ne se lève, la niya doit être mise. Par preuve de la parole d'Allah dans le sens où il dit, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez la ligne blanche de la ligne noire du fajr, c'est-à-dire le signe que le fajr est rentré. Et ensuite, achevez votre jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au maghrib. أما في النفل فتصح النية في النهار فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم فصام عليه الصلاة والسلام وعزم على الصيام من حينه. Par contre, en ce qui concerne le jeûne surrogatoire, il peut mettre sa niya dans la vie que le chir il a choisi après le fajr. Par exemple, il s'est levé, il n'a pas mangé, d'accord, il n'a pas mangé, et par la suite il décide de jeûner. Le chir voit qu'il veut, il peut le faire. La preuve, c'est le hadith de Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu un matin, il a dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Elle dit non. Après il dit, alors je suis jeûneur. Et de là, il s'est mis à jeûner. Ça, c'est une masala khilafia. Il y a une divergence. Sur ce sujet-là, c'est son avis à lui. Là-dessus. Taïeb. قال ويجوز للمسلم أن ينوي نية شاملة لرمضان كاملة من لم يقطع بسفر أو مرض فيلزمه تجديد النية ولا شك أن كل مسلم يستصحب النية فإنه إذا قام لسحوره فإن النية مستصحبة بأعماله فإنه إذا أكل وتسحر فهو في عزمه الصوم من الغد. Donc il dit, il est permis d'avoir une seule niya pour tout Ramadan, pour le musulman. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de renouveler sa niya chaque nuit. Il peut avoir une niya en début de mois, on va dire qu'il va jeûner tout le mois. Et ça, tant que cette niya n'est pas interrompue par un voyage ou une maladie. C'est-à-dire qu'il n'est pas à reprendre son jeûne pour une excuse. Tant qu'il jeûne, voilà, on continue dans le mois de Ramadan, sans interruption, il peut mettre une seule niya. Il ne fait aucun doute que le musulman, à la base, il a une niya chaque soir, car il se lève le matin pour le sahur, pour prendre le repas d'avant l'aube. Donc c'est que la niya, sinon on ne se lèverait pas pour ça. Donc la niya, elle est là, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc c'est pas une bête à was-was que les gens se disent, est-ce que j'ai mis une niya, j'ai pas mis une niya. Parce que quand tu t'es levé, tu as pris le sahur, c'est que tu as mis une niya. Parce qu'à la base, les gens ne se lèvent pas, c'est pas là pour manger. Surtout en dehors de l'Amazon, ils ne le font pas. Donc ça prouve que tu as une niya, que tu comptes. Jeûner par la suite. طيب. قال سابعا. Septième point. ما هي مبتلات الصيام? Quelles sont les choses qui annulent le jeûne? قال يبتل الصيام بالأكل والشرب والجماع بالكتاب والسنة والإجماع. Que le jeûne se voit interrompu par la boisson, par la nourriture, le fait de manger, et par les rapports sexuels, et cela par preuve du Coran, de la Sunna et de l'unanimité des savants. Il dit Amma min al-kitab fa qawluhu ta'ala fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. La preuve du Coran, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit et maintenant, l'aube n'a pas été vue. Il a dit ayez des rapports avec elle, recherchez ce que Allah vous a prescrit, et buvez et mangez jusqu'à ce que vous apparaisse la ligne blanche de la ligne noire du Fajr. Là, c'est la nuit. D'accord? Ce verset démontre que la nuit, tu peux avoir des rapports avec ta femme. Et également de pouvoir manger et de boire. Il y a d'autres preuves, ça c'est un verset. Après il dit Amma dalalatu as-sunnati faqouluhu sallallahu alayhi wa sallam fima yarwi an rabbihi yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli muttafaqun alayhi. Là dans un hadith qudsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est dit, c'est-à-dire en parlant de celui qui jeûne, il délaisse sa nourriture et sa boisson et ses plaisirs, d'accord, plaisir charnel, pour moi, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amma l'ijma'u faqad nakalahu jam min al-ulama ki ibn Hazm wa ibn Munzir wa ibn Qudamata wa ghayruhum wa ghayrihim. Donc il dit l'ijma', elle était apportée par plusieurs savants, parmi eux ibn Hazm wa ibn Munzir wa ibn Qudama et autres, que ces trois choses là Ijma, d'ailleurs, taïeb, que ça annule le jeûne. بعد ذلك يقول ويلتحق بالأكل والشرب كل ما ابتلع عمدا وإن لم يكن مما يتغذى به يتغذى فيه كالحاتم ولؤلؤ ونحو ذلك لعموم الأدلة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم. Donc il dit, parmi les choses qui rejoignent la nourriture et la boisson, tout ce qui s'avale volontairement, même si ce sont des choses qui ne te nourrissent pas. Comme par exemple le fait d'avoir avalé un anneau, d'avoir avalé une perle, tout ça, ça rentre dans la généralité des preuves citées précédemment. Tout ce qui s'avale qui rentre dans ton estomac ou quoi, ça annule. On jeûne. Et c'est l'avis choisi par Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya, Cheikh Al-Othaymin et autres parmi les gens de science. ثم قال وكذلك هناك أمور يسيرة جدا إذا ابتلع تعد من المفترات كحبة الخردل وحبة الذرة ذرة وكذلك بقايا الطعام الذي يبقى بين الأسنان ما كان كبيرا يتحرز منه فلا يجوز بلعه ومن بلعه يعد مفترا أو بل يعد مفترا مفترا عفوا يعد مفترا أما الأشياء اليسيرة التي تبقى بعد المضمضة وبعد السياك التي لا تميز ولا يمكن تحرز منها فلا تعد مفترا donc il dit également il y a des choses qui se joignent à cela. Des choses assez simples, comme par exemple ce qui peut être avalé, comme même des choses toutes petites, minimes, comme par exemple, Habbat el-Kharzal, c'est les graines de moutarde, ou un grain de maïs, ou les restes de nourriture qui restent entre les dents après avoir mangé. D'accord ? Toutes ces choses qu'il était possible de te débarrasser. Est-ce que tu as besoin de pouvoir recracher, de ne pas avaler, de t'en débarrasser ? Si tu l'avales, ça rompt ton jeûne. Donc il n'est pas permis de les avaler. Tu le sens par exemple, tu as des nourritures entre les dents, ce genre de choses, tu la craches, tu la recraches, tu ne l'avales pas. Par contre, les choses qui sont vraiment minimes, dites donne, et qui restent, tu ne peux pas te débarrasser, tu ne t'en rends pas compte, ça c'est excusé. Ça, biznillah ta'ala, c'est excusé. Et en ta'liqat, il a dit. Il a cité par exemple le siwak, parce que le siwak il est bien frais. D'accord ? Il y a une forme de sève, de jus qui sort du siwak. Ça, ça annule ton jeûne si tu l'avales. C'est-à-dire quand tu fais ton siwak, tu recraches. Tu recraches. D'accord ? Tu recraches. Ou des petits bouts de bois qui vont avec des fois. Alors, par exemple, tu ronges l'écorce afin de pouvoir avoir la partie qui nettoie la bouche par exemple. Il se peut que tu aies des petits morceaux qui restent. Petits bouts de bois. Tu les avales pas, tu les recraches là. Ah ben. Par contre, un truc qui n'annule pas, il y a Ijma, le jeûne, ou je crois qu'il y a Ijma, je suis sûr en fait, la salive. Avec la salive, ça rentre pas dedans. C'est une chose que tu fais inconsciemment, tu ne te rends même pas compte. Si jamais ça rompt le jeûne, il n'y aura presque personne qui pourrait jeûner. Donc ça, ça n'annule pas le jeûne bizarre latéral. Barne Zalika. قال إذي قطرة الأنف لأنه يعد منفذا للمعدة وقد روى لقيط ابن الصبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالي في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة وكذي par exemple les gouttes pour le nez les gouttes qu'on met dans le nez des fois quand on est malade ça c'est des choses qui annulent le jeûne car elles rentrent dans la gorge et vont dans l'estomac. Et dans le hadith rapporté par Laqit ibn Sabiran, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi ? Quand tu fais le stichar, c'est-à-dire lorsque tu fais l'eau d'eau et que tu inspires l'eau dans ton nez, il a dit vas-y fort. Hein ? À part si tu es jeûneur. Pourquoi ? Parce que si jamais ça rentre, tu vas l'avaler, ça va rendre ton jeûne. Donc les gouttes pour le nez prennent le même jugement. Thumma ba'da hadha. قال ويلتحق بالجماع les choses qui rejoignent les rapports sexuels les choses qui rejoignent les rapports sexuels c'est quoi الاستمناء ça c'est la masturbation la masturbation فمن تعمد خروج المني ou plutôt afwan الاستمناء c'est pas forcément la masturbation الاستمناء c'est le fait de faire sortir le sperme ah ben la masturbation en soi s'appelle العادة السرية العادة c'est riya. Ça c'est la masturbation en soi. L'istimna, c'est le fait de faire sortir le sperme. Donc c'est plus large. Mais bien sûr, la masturbation rentre dedans. Ça y est. فقال فمن تعمد خروج المني بأي طريقة فإنه يكون مفترا. لأنه لم يترك شهوته. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأما ما يتعلق بتقبيل الزوجة فهذا ليس من المفترات مفترات. طيب donc il dit car celui qui fait sortir son sperme volontairement, d'accord, par quelque moyen que ce soit, lui il aura rompu son jeûne car il n'aura pas délaissé ses plaisirs charnels. Comme de la hadith Kursi qu'on a vu tout à l'heure, voilà, dans le sens où il dit qu'il délaisse sa nourriture, sa boisson, ses plaisirs pour moi. Celui qui sortait son sperme volontairement, il aurait eu pris du plaisir en faisant ça. Donc il aurait annulé son jeûne. Maintenant, celui à qui ça arrive, par exemple, il a fait un rêve dans la journée, il a fait une sieste, il a fait un rêve, Mathalen, et ça l'a amené à éjaculer, ça n'annule pas son jeûne. Il n'a pas fait exprès. C'est pas volontaire. Là, il parle de celui qui a fait ça délibérément. Après, il dit, par contre, en ce qui concerne le fait d'embrasser la femme, ça, ce n'est pas une chose qui annule le jeûne. قال ولكن الافضل واجتناب ذلك لانه قد يجره الى ما هو اعظم من ذلك. وعلي فاذا تعمد انزال المني اما بمباشره زوجته او بتقبيلها صار من المفترين. Donc il dit par contre, même si le fait d'embrasser sa femme n'annule pas le jeûne, vaut mieux éviter car cela peut amener à aller plus loin. D'accord, cela peut amener à aller plus loin. Par contre, s'il fait comme on dit, il fait exprès de faire sortir son sperme en se frottant à sa femme, par exemple, sans pénétration, mais il a des rapports avec elle, il le fait volontairement. Ou que, par exemple, certains, ils sont très sensibles, peu de mouvements les amènent à avoir une éjaculation, par exemple. Il fait exprès d'avoir cela même en embrassant sa femme, s'il fait exprès, ça nous surgène. D'accord ? Ça nous surgène. قال وأما إذا لم يتعمد إنزال المني وسبقه الماء بدون تعمد فيرجى لا يفتر بذلك لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas exprès par exemple d'éjaculer et que son body, son liquide prostatique, on avait dit quoi également, sémantique, d'accord, sort sans qu'il ne l'ait voulu, on espère pour l'Inch'Allah qu'il n'ait pas de mal. Cela par la preuve de la parole d'Allah dans le sens où il dit et qu'il n'y a aucun grief sur vous dans les erreurs que vous aurez commises, cependant dans ce que vous aurez fait volontairement. Celui qui n'a pas fait exprès, Inch'Allah, ma alayshay. Tayyib. Ba'da hadha qal. ثامنا ما لا يعد ولم يثبت انه من المفترات. Donc les choses qui pourraient ressembler à des choses qui feront plus jeunes mais qui ne le font pas. Quelles sont-elles? اولا قال الاكل والشرب ناسيا. Le fait de manger et de boire par oubli, par inattention. اولا il faut savoir une chose. ذكر فائدة تحت قال ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج أخرج البيهقي. ابن عباس لو يدي dans un أثر que ce qui fait rompre le jeûne c'est ce qui est incurgité et non pas ce qui est ressorti, ce que tu avales, ce que tu fais rentrer et pas ce que tu fais sortir. فهمت؟ نعم. طيب. Donc il dit إن أكل أو شرب أو بلع شيئا بدون قصد سواء كان من الأكل والشرب أو من الغبار أو التراب أو ما أشبه ذلك فهذا كله لا يعد من المفترات إلا إذا تعمد ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فهو صائم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. Si jamais la personne vient à avaler quelque chose ou à boire ou à manger sans faire exprès, car elle a oublié, ça peut arriver, tu oublies sur le coup que tu es jeûneur et tu as avalé, ça c'est valable pour le jeûne obligatoire ou surrogatoire, c'est pareil, d'accord. quel que soit ce qu'il a avalé, qu'il s'agisse de poussière, de terre et autres, cela n'est pas considéré comme étant une rupture du jeûne. Car il n'a pas fait exprès, il a oublié. Car cela est venu dans le hadith de Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui oublie qu'il est jeûneur et qu'il boit et qu'il mange alors qu'il continue son jeûne, car c'est simplement Allah qui l'a nourri. Car c'est simplement Allah qui l'a nourri. Donc vraiment, il n'a pas fait exprès, il continue. Il y en a même qui avait cité le fait d'avoir des rapports avec sa femme, mais il a été dit, c'est dur de ne pas faire exprès, d'oublier. Voilà. Mais ça peut arriver, peut-être que le but qu'il a jeûné, le rapport avec sa femme. Voilà. Et du moins, ce qui est dur, c'est que les deux, ils ont oublié. Parce que la femme, au moment de le dire, hé, on jeûne. Là, au même moment, les deux, ils ont oublié. C'est des cas extrêmes, mais peut-être que ça peut arriver. Après, il dit, Qayyu, Amden, Aubiril Am, le fait de vomir, volontairement ou pas. Quand j'ai fi Zalika Hadith, Sarih, Hadith Abi Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man zara'ahu al-Qayyu wa wasa'imun falisa alayhi qaza'u. Wa man istaqa'a falayhi al-qaza'u. فهذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة ولكن الحديث قد أعله جمع من الحفاظ منهم الإمام أحمد والبخاري وغيرهما فالصحيح أن القي لا يفطر سواء تعمد ذلك أم لم يتعمد لأن الحديث لم يثبت. Donc il dit le fait de vomir volontairement ou pas, il y a un hadith clair qui est venu là-dessus selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui vomit alors qu'il gêne, il n'a pas à rattraper, d'accord, et celui qui se fait vomir, alors lui doit rattraper. Mais le hadith, il a des défaillances. Il est défaillant. Si le hadith avait été authentique, ça aurait été un texte explicite dans le sujet, dans la question. Mais il ne l'est pas. Et plusieurs grands imams du hadith l'ont affaibli. Parmi eux, l'imam Ahmed et l'imam al-Bukhari. Et autres que eux. Donc, on n'a pas de preuve disant que celui qui vomit, qui se fait vomir, aura rompu son jeûne. Il n'y a pas de preuve. Al-Hijama, les ventouses. Adda ba'd al-ilim, al-Hijama tamni al-Mufattirat, mustadillina bi hadith Shaddad ibn Awsin, haythu qal, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aftar al-hajibu wal-mahjoub. Wa hadha al-hadithu, hadithu al-sahihu lakin, يظهر أنه قد نسخ كما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الحديث يحمل على أنه منسوخ لأن عبد الله بن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ووصائم وعن ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل فقيل له أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل ضعف فهذا يدل على أن الحجامة لا تفطر والجمهور من أهل العلم على أنها ليست من مفطرات وهذا ما رجحه البخاري في صحيحه وابن حزم وترجيح العلماء الألباني. Donc il dit الحجامة. Certains savants ont considéré la hijama, les ventouses, comme étant des choses qui rompent le jeûne. En prenant comme preuve le hadith de Shaddad ibn Awsin, dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait la hijama, celui à qui on l'a fait, celui qui l'a fait, le hajib, celui qui fait la hijama, et le marjoum, celui à qui on l'a fait, les deux auront pu leur jeûne. D'accord ? Et le hadith, il est authentique. Cependant, ce qui apparaît, c'est que le hadith, il aurait été abrogé. Comme leur a dit l'imam al-Shafi'i rahimahou ta'ala, car Abdullah ibn Abbas a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une hijama, les ventouses, alors qu'il jeûnait. Et également, Thabit al-Bunani a rapporté que Anas ibn Malik a été questionné, il lui a été dit, est-ce que vous détestiez les hijama pour le jeûneur? Il dit, non, hormis pour la faiblesse que cela provoque. Celui qui fait une hijama, son sang est pris, donc ça l'affaiblit. Et le jeûneur est déjà affaibli par le fait qu'il ne mange pas. Donc il le dit juste pour cette cause-là. Donc si jamais ça avait été une moufa de tira, des choses qui ont le jeûne, il l'aurait dit clairement. Non. Donc le hadith cité auparavant, précédemment, lui, Mansour, Wallahu ta'ala amen. Et ça, c'est l'avis choisi par l'imam Bukhari, par Ibn Hazm et par Cheikh Al-Albani. Par contre, un truc qu'il a précisé par rapport à celui qui mange et qui boit par oubli, si toi tu le vois, tu dois lui rappeler tout de suite. Par exemple, tu es avec un frère, journée de, dans la journée de Ramadan, par exemple, vous marchez, ce coup s'arrête pour boire. Tu le vois, il boit. Et tu sais qu'il n'est pas malade, qu'il est, c'est quelqu'un qui jeûne. Tu dois lui dire, hé Harry, tu jeûnes. Attention, ah oui, j'ai oublié. Et là, il pose le verre. Tu dois le dire tout de suite. Tu ne dis pas, oh, il a oublié, je laisse boire. Tu le dis, tu l'arrêtes. D'accord ? Tu l'arrêtes. Pas mal. Ensuite, parmi les choses également qui ne sont pas parmi les moufats tirat, qui annulent le jeûne. خروج الدم كالسحب الدم لتبرع الصحيح أنه لا يعد من المفطرات وكذلك قطع العرق وإخراج الدم الفاسد لا يعد من المفطرات على الصحيح. Donc le fait par exemple de faire une prise de sang comme pour par exemple faire un don de sang ou ça ou une hémorragie, t'as une blessure, le sang il coule, la sortie du sang n'est pas une chose qui annule le jeûne. À la sahih. Ce qui prouve qu'il y a encore une divergence et lui voit son avis que cela n'annule pas le jeûne. بعد هذا استعمال معجون الأسنان. Le dentifrice. قال لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الأولى عدم استعماله لأن لو نفوذا قويا قد ينفذ للمعدة إلى المعدة والإنسان لا يشعر به في فتاوى رمضان. Donc il dit dentifrice à la base il n'y a pas de mal tant que cela ne l'amène pas à arriver dans l'estomac. Et rapporté par de Charon Fémin qui dit le meilleur c'est de ne pas l'utiliser car il se peut qu'il rentre car souvent tu vas bien l'avaler. Donc si jamais tu l'avales tu vas rentrer ton jeûne. Donc il dit le meilleur c'est de ne pas l'utiliser mais à la base si tu arrives à éviter ça tu peux le faire. Non. ثم قال استعمال البخاخ لمرض الربو لمرض الربو. Le fait d'utiliser des encens. مرض الربو, je ne sais pas c'est quoi comme malade. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى استعمال هذا البخاخ جائز الصائم سواء كان في صيامه في رمضان أم في غير رمضان وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل للمعدة. Donc Cheikh Al-Othaymin également il rapporte parle de lui où il dit quand utiliser de l'encens pour le jeûneur il n'y a pas de mal car cela n'est pas une chose qui s'avale qui arrive à l'estomac mais qu'il soit pendant Ramadan ou autre que Ramadan. ثم قال استخدام الإبر les injections les piqûres الذي يظهر أن هذه الإبر إن كانت لتعذية فتفطر وإن لم تكن كذلك فلا تفطر وقد أفتى بذلك العلامة عبد العزيز بن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة صالح الفوزان. Donc ces injections, ce qui apparaît, c'est que tant qu'elles ne sont pas pour, elles ne font pas office d'alimentation pour la personne. Parce que des fois, tu as des piqûres, des injections comme, je ne sais pas moi, les... comment on appelle ça déjà, les... perfusion, tout ça, des choses qu'on te met pour pouvoir te nourrir quand tu ne peux pas avaler les choses. Tant que ce n'est pas dans ce cas-là, une injection n'est pas une chose qui rompt ton jeûne. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Othaymin, Ibn Al-Othaymin et de Cheikh Al-Fawzan. Qatrat al-Ayn wa Qatrat al-Uzun. Les gouttes pour les yeux et les gouttes pour les oreilles. قطرة العين لا يعد من المفطرات أيضا لأنه لا يسمى أكلا ولا شربا وإن وجد أحد الطعام في الحلق فينبغي له يتحرز منه Donc les gouttes pour les yeux ne sont pas considérées comme des choses qui rompent le jeûne. Car cela n'est pas de la nourriture ni de la boisson. Et il dit, si quelqu'un trouve de la nourriture dans sa gorge, alors il doit s'en débarrasser. J'ai pas compris le lien. Il a dit pareil pour les gouttes pour les oreilles. D'accord, c'est le même jugement. بعد هذا قال تاسعا هل كل من تعمد الفطر في النهار لرمضان علي كفارة؟ Est-ce que toute personne qui aura volontairement rompu son jeûne dans la journée de Ramadan, est-ce qu'il doit avoir une expiation? قال ليس كل من تعمد الفطر علي كفارة. Donc ce n'est pas toute personne qui aura rompu son jeûne délibérément qui devra faire une expiation. Maintenant, il cita Ban Ali Kafara, qui sont ceux qui doivent avoir l'expiation. Man Aftara bi al-Jima, celui qui a des rapports sexuels. Et cela, c'est quoi la Kafara? C'est soit de libérer un esclave, s'il ne peut pas, de jeûner deux mois d'affilée. Et s'il ne peut pas, de nourrir 60 pauvres. Et il est obligé de suivre cet ordre-là. C'est pas il passe de un à l'autre. Il suit l'ordre. Premier, libérer un esclave, s'il en a. Deuxième, de jeûner deux mois d'affilée, si on est capable. Troisième, s'il ne peut pas, nourrir 60 pauvres. Après, il dit Man, d'accord. Man laysa ali kafara. Man aftara bil akli ou ashurbi. Celui qui aura rompu son jeûne en mangeant ou en buvant. Amdan. Voyez, amdan. Volontairement. Sans excuse valable. Fali et taubatu. Wa kasrat l'istighfar. Wa l'inabatu ilallahi. Wa l'nadam hatta yaghfirullahu lahu zanbahu. Wa alayhi an yukthira min nawafil hatta yukammilah. Yukammilallahu lahu ma dhukatha bihi min fadilatih. Wa l'kol biyadaw laysa ali kafaratu. Kol al-jumhur. Celui qui aura mangé volontairement et bu volontairement, lui, sans excuse, il doit faire tauba, se repentir, demander pardon à Allah spontané et revenir vers lui, et regretter ce qu'il a fait, afin qu'Allah lui pardonne. Et il doit faire beaucoup d'actions rogatoires, afin de pouvoir combler le manque, d'accord, le manque qu'il aurait eu dans sa récompense par rapport à Ramadan. Et ça, c'est le fait qu'il n'ait pas d'expiation, c'est la parole de la plupart des savants. Ce n'est pas un ijmar, ce n'est pas unanime. Manistamna, également celui qui aura fait sortir son sperme volontairement. Une différence sans d'arriver à une éjaculation volontairement. Walaysa ali kafaratun ala sahih. Yakunu kat ta'amada al-fitr wa rtakaba ma'dhuran 'aziman. Irtakaba jarimat min jara'im walakin laysa ali al-qada. Celui qui a fait ça est considéré comme ayant rompu son jeûne et en réalité il n'y a pas d'expiation pour lui. D'accord ? Car il a fait exprès de rompre son jeûne. Il aura commis un grand péché, même un crime. Donc lui n'a pas rattrapé. Par contre, un détail que les ulama disent, c'est que même s'il a rompu, il continue à jeûner après. C'est pas j'ai rompu, je mange. Non. T'as mangé ? Si jamais t'as fait toba ou quoi ? Tu manges pas jusqu'au soir. Et après, même ce jour-là, tu n'as pas rattrapé, il est perdu. Et malgré tout, car il n'est pas permis de manger pendant la jeûne de Ramadan. T'as mangé un moment. T'as fait l'erreur de manger, tu fais ta tauba, mais par la suite tu continues à obéir à la santana, tu manges plus. Alors tu continue, il dit c'est bon, j'ai rompu, je peux manger, lui c'est une grave erreur. Et à chaque fois qu'il mangera, il commettra le péché. À chaque bouchée qu'il avalera, ou gorgée qu'il avalera également, ou ça, ce sera un péché commis. D'accord ? Qala ashiran. مستحبات الصيام وبعض آدابه. آدابه. Des choses recommandées pour le jeûne et certaines attitudes à avoir pendant les jours de jeûne. أولا استحباب تأخير السحور. Le fait de retarder le sahur. Donc c'est le fait de retarder l'heure le plus possible du repas de l'aube. Le repas du jeûneur, avant que l'aube ne se lève. Plus tu retardes, mieux c'est. D'accord ? Et il rapporte une parole de Mukudama qui dit que le minimum du sahur, d'accord, c'est le minimum qu'il puisse manger ou boire. Même il a mangé, par exemple, je sais pas moi, un haricot rouge, un seul, il l'a avalé, il a pris un sahur. Il a bu une gorgée d'eau, il a pris un sahur. Ça rentre dedans. فقال تأخير السحور من مندوبات العظيمة وقد نكر الإجماع على استحبابه وعدم وجوبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر السحور فقال سهل بن سعد كنت أتسحر في أهلي ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que le sahur, le fait de le retarder, est une chose vivement recommandée. Il a été apporté même l'unanimité des savants que cela est moustahab, recommandé et non obligatoire. Le sahur n'est pas, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un par exemple qui s'est levé le matin en retard après le fajr, il dit j'ai pas pris mon sahur donc je jeûne pas. Ça n'a rien que pour le sahur. On dit non, ce n'est pas l'obligation. Et ce n'est même pas une condition pour jeûner. Tu t'en remets à Allah. Ça va être dur, ça sahur, et tu continues ton jeûne, bismillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui retardait justement son sahur. Il fait rapporter le Sahl ibn Sa'd qui lui dit, je prenais le sahur, le repas de l'aube avec ma famille, ensuite je me précipitais afin de pouvoir attraper la salat du fajr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-sahur la yanbari tarkuhu. Il faut de écrit tout, c'est un, en vrai. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tasaharu fa inna fi sahur barakatan. Wa kadhalika fi mukhalafatun al-kitab alladhina yuwasiluna al-layla al-layla bin-nahar. Donc il a dit le sahur, il ne convient pas de le délaisser, car il contient une grande bénédiction, une grande baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez le sahur, car il y a une grande baraka. Et également, cela est une contradiction aux gens du livre, qui eux, enchaînaient le jeûne de nuit avec la journée. Ils poursuivaient le jeûne. Donc, en faisant cela, tu t'opposes à leur tradition. Tu ne fais pas comme eux. Maintenant, le contraire. Istirbab, ta'ajil, al-fitr. Le fait de précipiter le fitr, la rupture du jeûne. Et il dit en note de page que ceux qui auront le jeûne peuvent le faire avec n'importe quoi, même une gorgée d'eau. Comme le sahur, même un grain qu'il avalerait, d'accord, ça rompt son jeûne. De toute façon, on l'a dit tout à l'heure, kul mufattirat, les choses qui aident le jeûne, s'il les utilise pour son jeûne il est rompu. Même un tout petit peu de nourriture qu'il avale comme ça, rapidement, ça annule son jeûne. Il a rompu son jeûne. La shak anna hadha min al-mustahabbat al-azimati fi al-siyam. Qad jaa'a adillatun mutakathiratun fi taqdim al-fitr 'an Sa'd ibn Sa'd radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khaylin ma'ajjalu al-fitr. Donc il dit qu'il ne fait aucun doute que le fait de précipiter, de hâter la rupture du jeûne est parmi les choses recommandées, vivement recommandées, et plein de preuves sont venues à ça. Il fait rapporter de Sa'd ibn Sa'd qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens ne cessent d'être dans le bien tant qu'ils hâtent la rupture du jeûne. Puis il citait le faïda de Ibn Abd al-Barr. قال والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك أغابت الشمس أم لا. لأن الفرض إذا لازم بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين. Ibn Abd al-Barr a dit quoi? Le fait de précipiter l'iftar, c'est pour celui qui est certain que le soleil s'est couché. D'accord? Quant à celui qui doute, qui ne sait pas encore, lui, il n'a pas le droit. Alors, il se dit, est-ce que le soleil s'est couché ou pas? Je ne sais pas encore. C'est, il voit la lueur, mais il ne distingue pas encore. Lui, il n'a pas à se précipiter. D'accord ? Il faut qu'il soit sûr d'abord. Car il dit qu'une chose sûre ne peut être annulée que par une chose sûre. Par exemple, tu es sûr que tu es en train de jeûner. Donc ce jeûne qui est obligatoire, tu ne peux le rompre que par la certitude que l'heure elle est rentrée. Pas mal ? Non. Il ne faut pas que des gens jouent avec l'épreuve en disant par exemple, c'est l'heure du Maghreb, peut-être un 2-3 minutes avant, il dit c'est le Maghreb, c'est bon, il faut se précipiter et il mange. Il dit mais t'es pas sûr si c'est déjà. Il dit c'est bon, c'est le Maghreb, j'en suis sûr. Il ne l'a pas vu, il ne connaît pas vraiment. Il dit, faut que tu sois sûr. Et dès que tu es sûr, aujourd'hui dans les pays d'islam, on a la veine. Le fond de l'île là. On a la veine. Et ceux qui ont l'expérience voient le soleil. Mais des fois, c'est vrai qu'avec les immeubles, dans les pays occidentaux, quand il y a des grands immeubles, dans les capitales, ou dans les lieux où il y a des montagnes, peut-être que tu ne vois pas vraiment. Ou les jours où il y a des nuages, tu n'arrives pas vraiment à voir. Donc là, tu estimes par rapport au temps, un petit peu. Mais dans les pays d'islam, alhamdoulilah, il y a la veine. Donc, dès que tu as entendu le muazzin, tu peux rompre. Par contre, dans des endroits, des fois, le muazzin, il fait la veine en retard. Donc, des fois, il le fait à l'avance, il s'est trompé. Donc, toi, si tu le sais, tu fais attention. Si tu sais que, par exemple, tu arrives dans une ville, on te dit, par exemple, attention ici, la veine, il le faut trop tôt. Tu ne te bases pas sur la veine, tu te bases sur la vision. Pour quelqu'un qui est de confiance, qui connaît. Ou si tu dis, il le faut en retard, par exemple, pareillement. Tu te bases, si quelqu'un te dit, eux, ils le font en retard, moi je te dis que c'est maintenant l'heure, je suis sûr, et c'est quelqu'un qui est connu, qui a confiance, tu l'écoutes. D'accord ? Et tu rompes. L'aveugle n'est pas en lui-même une cause de rupture. Il est un signe qui annonce que l'heure de la rupture est bonne. Mais c'est pas comme tu n'as pas entendu l'aveugle, tu ne romps pas le siyam. Comme quand le Nabi Salem, il dit Azna al-Mu'azin, Aftara al-Sa'im. C'est le Mu'azin qui fait l'aveugle. Le jeûneur rompt son jeûne. Ça ne veut pas dire qu'en fait l'azan, c'est une rupture. L'azan, c'est un signe qui t'indique que c'est l'heure de la rupture. Ba'da hadha qal, istirbab siwak mutlaqan. Qu'il est recommandé d'utiliser le siwak dans l'absolu. Car des gens, ils ont dit que le siwak, ils ont mis des heures, tu ne peux pas siwak. Et lui, il dit que tu peux l'utiliser à tout moment. Wa'da قول الإمام مالك وابي حنيفة إذا يكري أبو حنيفة سنخطأ سابي حنيفة معطوف واختيار واختار واختار ذلك الشيخ الإسلام لحديث أبي هريرة لولا أن شك على لولا أن شك على أمتي لمرتهم بسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. Donc il dit ça, ça c'est la parole, c'est l'avis de l'imam Malik et d'Abu Hanifa, et ce qui était choisi par Cheikh l'Islam. C'est par exemple comme preuve du hadith d'Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si je ne craignais de faire trop subir à ma communauté, de la surcharger, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak pour chaque salat, dans une version, pour chaque wudu, chaque ablution. Thumma qal, tilawatul qur'ani wa a'malul bir. Le fait de lire du Coran et de faire des œuvres pieuses. Le fait de faire des œuvres pieuses. يستحب للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن وتدبره وأن يكثر من الأعمال من أعمال البر. Le hadith ibn Abbas رضي الله عنه في الصحيح في الصحيحين بس بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجواد الناس وكان أجواد ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان يرقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة. Donc il est recommandé au jeûneur de lire beaucoup du Coran et de méditer sur ses sens et de faire beaucoup d'œuvres pieuses, comme le prouve le hadith d'Ibn Abbas dans les deux authentiques, qu'il est dit que le prophète صلى الله عليه وسلم était le plus généreux des gens. Il est encore plus généreux pendant Ramadan, au moment où il rencontrait Jibril, alayhi salam, et que Jibril le rencontrait chaque nuit et lui enseignait le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi est encore plus généreux, apportant encore plus de bien qu'avant, je ne sais pas comment on dirait, Moussala à la base c'est un vent qu'on voyait, mais là c'est pour un vent qui apporte du bien aux gens. Parce que des fois, un vent, il ne peut pas apporter du bien. C'est maralouf. Là, il parle du vent qui apporte du bien. Je ne sais pas comment traduire ça, là. Un vent bénéfique. sais pas ce qu'on dit. À la colline. Voilà. طيب. نكمل بهذا. قال بعض آداب الصيام. Certains comportements lors du jeûne. اجتناب شارة الزور والغيبة وسائر المعاصي. وهي كثيرة. وهي كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أخرج البخاري. Donc le fait de délaisser les témoignages mensongers, la médisance et toutes les désobéissances. Et cela est un grand péché. Je ne sais pas à quoi faire allusion, soit au riba ou shaharat al-zour. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ne délaisse les paroles mensongères et le fait d'agir en conséquence, c'est-à-dire ces paroles mensongères, en plus tu les appliques. Et l'ignorance, l'aide, Allah wa l'aide, enfin l'ignorance qui fait, qui offense les gens. Il y a l'ignorance dans le sens des ma'asi. Que Allah n'a plus besoin de son qui délaisse sa nourriture et sa boisson. Allah n'a nul besoin qu'il délaisse pour lui sa nourriture et sa boisson. Et le fait là, dans le hadith, ça ne veut pas dire qu'Allah a des besoins. Allah ou al-Ghani, le riche, c'est qui se passe de tout. D'accord ? Ça, c'est juste interprété par pour le côté de réprimande. D'accord ? C'est pour la réprimande en soi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de besoin. Wa ta'ala Allahu amma yasifun. Wa dhahaba jam min al-ulama ila anna man fa'ala hadhihi al-umur yu'tabaru 'asiyan wa la yubtilu sawma. Qala an-Nawawi رحمه الله تعالى المراد أن كمال الصوم وفي أن كمال الصوم فضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللهو والكلام الرديء لا أن الصوم يبطل به. Donc certains savants voient que c'est par contre ces choses là font de lui un désobéissant mais n'annule pas son jeûne. Je ne donne pas son jeûne. L'imam Nawawi, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que ce qui est voulu par là, c'est la perfection du jeûne. Car le mérite du jeûne qui en est recherché, c'est quoi? C'est que la personne se préserve des futilités, des paroles inutiles, des paroles mauvaises. Mais ce n'est pas pour autant que son jeûne s'enverrait annulé. D'accord? Car le jeûneur, normalement, il adopte une attitude noble lorsqu'il est jeûneur. Plus que lorsqu'il n'est pas jeûneur. Donc celui qui jeûne et qui fait tout ça, il n'aura pas trouvé les biens du jeûne. Il n'y aura pas d'articep dedans non plus. C'est comme s'il aurait jeûné par coutume. Un peu. Et surtout, il faut savoir que le jeûne, surtout en fin de journée, l'insane, tu vois, il est irritable. Il est fatigué. Il peut s'énerver vite. Faire attention à ça. D'accord ? Et là, ça va venir, d'ailleurs, il le dit. Faqal. إذا شتم فليقول إني صائم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سبه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. وقال النووي رحمه الله تعالى يقوله بلسانه ويسمعه لصاحبه يسمعه لصاحبه يزجره عن نفسه. ظاهر الحديث يؤيد هذا المعنى. Donc si par exemple quelqu'un est jeûneur, quelqu'un te provoque en t'insultant, qu'est-ce qu'il doit dire? Je suis jeûneur. Pour mettre, pour pas encourager la personne. Pour te calmer toi et lui aussi, si jamais c'est un musulman. Comme cela va venir, dans le hadith d'Abu Huraira, il dit que si jamais l'un d'entre vous jeûne dans sa journée, alors qu'il n'y ait pas de dispute ni de querelle, et que si quelqu'un l'insulte ou veut le combattre, alors qu'il dise je suis jeûneur. Car c'est certain, si jamais tu jeûnes que quelqu'un veut te faire du mal, c'est un musulman, on parle là, maintenant c'est un kafir, ça c'est autre chose. Et tu lui dis je suis jeûneur, ça va, il va être mal à l'aise. On dit moi je veux pas, je suis en ibada. Normalement ça va lui rappeler Allah spontané, ça s'arrête. D'accord ? Si ça n'arrête pas, c'est vraiment c'est un gros fagir. Donc il dit Naam, et Nawawi, en expliquant le hadith, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit cette parole-là, il la prononce clairement avec sa langue, qu'il a fait entendre. Vous voyez ? À son interlocuteur, qu'il l'entende bien. C'est pas une niya, ça me dit en lui ou en voix basse. Il le fait entendre. Pourquoi ? Afin de pouvoir le réprimander. Pour lui dire je gêne. Pourquoi tu m'insultes ? Pourquoi tu me provoques ? Pourquoi tu veux me faire du mal ? Et là, c'est dans le cas où toi, bien sûr, tu n'as rien fait. Maintenant, tu as provoqué par avant, tu auras également contrôlé le hadith. Car le Nabi Sallam l'a dit, pas de querelle, pas de dispute. D'accord ? Toi-même, tu gênes, tu ne dois pas insulter les gens. Déjà, à la base, tu n'as pas insulté tout court, mais encore moins lorsque tu es gêneur. Non. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Et, Fiddas al-Qadim, c'est donc mille, Bidina ta'ala, dit le Majama. Là, on va arrêter, Inch'Allah. Et comme on l'a dit, c'est vraiment quelque chose de sommaire pour apprendre les bases du jeûne, surtout pour les débutants, et un rappel pour le confirmer. Rabbi Hadal Qadr Naktafi, on a coulé, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.